écoutez Chéri Micoutsu sur les ondes du 89.1 FM. C'est la fin de la session. Vous êtes débordé, stressé, démotivé. Vous n'en pouvez plus d'étudier. Vous êtes tanné des travaux d'équipe. Vous êtes impatient de goûter au congé des fêtes. Eh bien, mon nom est Sophie Laforêt. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale fin de session. Alors, la prochaine heure sera composée de pièces que j'ai choisies selon divers critères, soit des pièces positives, festives, dansantes, virulentes, même de quoi sortir le méchant et de quoi vous remonter le moral, je l'espère. Et donc, au menu de l'émission aujourd'hui, on aura droit à des formations comme Prototype de Rapture, Catherine et Kokiti et plusieurs autres qui sauront, je l'espère, apporter de l'agrément dans les derniers milles de la session. Donc, on verra ce soir si ça vous conviendra. Et sans plus tarder, pour démarrer cette émission en force, on va y aller avec la formation Le Tigre. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chéri Micoutsu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.

C'était La Roue avec la pièce Tiger Lily d'un album éponyme qui est paru le premier, Ce premier album est paru en juin 2009 et il s'agit d'un duo anglais d'électropop. Et oui, c'est teinté de beaucoup de pop, mais moi, ça me plaît. Comme vous le savez, en ce moment, on est dans une spéciale émission spéciale fin de session. Et là, j'essaie de vous faire jouer des pièces qui, moi, me motivent quand je suis démotivée, entre autres, dans mes études. Donc, c'est de la bonne pop. Moi, j'aime bien. Je l'ai vu aussi cet été au festival Oshiaga dans un accoutrement assez génial, très beau. Vous pouvez voir des photos d'elle sur Google facilement. Vous verrez de quoi il est question. Donc, c'est ça. C'est une artiste qui m'inspire et qui me motive. Sinon, avant, on avait le trio d'électro-rock français Prototype avec la pièce Danse sur la merde. Donc, Danse sur la merde qui passe à la radio. J'espère que vous ne pensez pas qu'on vous passe de la merde en ce moment. Et c'est tiré de l'album Tout le monde cherche quelque chose à faire et c'est leur premier album qui est paru en 2004. Et c'est une formation qui est active depuis 2003. Sinon, avant, on avait toujours en formule trio, un trio d'électropop entièrement féminin qui est originaire de New York, la formation Le Tigre, avec la pièce TKO de leur troisième album This Island qui est paru en 2004. Et maintenant, deux des membres de ce trio ont démarré le projet Men, qui est un projet de disque jockey. Donc, et ils sont en tournée actuellement. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir accès à la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou lors d'émissions antérieures. Vous aurez également accès au balado de diffusion et à des liens divers, soit anecdotes, chroniques de spectacles, critiques plutôt de spectacles et ou de disques. Et bientôt, on aura droit à une rétrospective de l'année 2009 sur ce blog notamment. Et sinon, de notre côté, on va se tourner du côté francophone, toujours avec des pièces énergiques pour vaincre cette belle fin de session. Et on s'en va entendre Catherine tout de suite sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. J'adore. Regardez danser les gens. Regardez danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. C'est les gens, et de temps en temps, je coupe le son, et je remets le son, je coupe le son, je remets le son, et je recoupe le son, et attention, je remets le son. M'encercler, et là je me sens en danger, alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi, pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore regarder danser les gens, ah je trouve ça fascinant, au bar du Luxor, regarder danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. parler avec vos phrases bien préparées, avec les hormones surchauffées. Allez-vous vraiment m'écouter? Le futur chanson sera terminé, je vous préviens. Mais c'est le monde, c'est une chanson, et je crois que j'ai besoin d'un autre verre. On vient d'entendre la pièce Drugstar de la formation française Indochine de leur album Wax. Et c'est un groupe français de pop-rock qui a été formé en 1981, formation qui a touché à divers styles musicaux. Et cette pièce-là, bon, est symbole de déchéance, de party, de fin de session, ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait jouer. Et je vous rappelle justement qu'on est dans une émission spéciale fin de session, car oui, la session se termine pour certains ou pour ceux qui sont dans mon cas, le 22 décembre prochain. Il y en a qui terminent aussi le 23 décembre. Il y en a peut-être des chanceux qui finissent avant ça. Et donc, voilà, dans le cadre de cette émission, on vient d'entendre Indochine. Et avant, on avait la formation, l'ancienne formation Echo Kitty avec la pièce Supermatos de l'album Savon Chanté, l'unique album de cette formation. Et c'est en fait l'ancien projet électropop de Xavier Paradis, qui est maintenant le chanteur et justement réalisateur du projet Automélodie, qui fait également dans l'électropop. Et avant, on avait l'auteur, compositeur, interprète français Catherine, de son vrai nom, Philippe Catherine, qui fait dans le pop-rock électro. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Luxor, j'adore, et c'est tiré de son 7e album, Robot après tout, qui est paru en 2005, celui qui a connu également le plus grand succès de ses albums. Et on va se quitter deux petites minutes, le temps d'une courte pause, et au retour, je vous annoncerai ce qui suivra. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie M'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de peine émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. De retour à l'émission Chérie M'écoute-tu. C'est la première fois que je fais ça, revenir après la pause. Je trouve ça vraiment fantastique. Et je vous propose un prochain bloc qui sera plus agressif cette fois-ci, un bloc de pièces virulentes. C'est le moment de sortir le méchant parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale fin de session et mon but est de vous accompagner dans ce périple pénible qu'est la fin de session, juste avant la période des fêtes. Donc, le prochain bloc contiendra des pièces un peu plus croustillantes, avec de l'électro-trash, notamment. J'aime beaucoup ça dire ça, trash. Et on va commencer avec la formation montréalaise Duchesse 16 à l'émission Chérie M'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de CFOU. I'm c'était la pièce Ne touche pas de la formation Vive la fête, qui est un duo électropop belge de leur troisième album Nuit blanche, qui est paru en 2003. Et sinon, avant, c'était la formation, ou plutôt le quatuor électro-rock de Montréal, Cougarette, avec la pièce Barcel d'un mini-album qui s'appelle Milk Fangs. Et c'est une formation que j'ai découvert cette semaine et que j'apprécie beaucoup. Comme je vous avais prévenu, en fait, avant le bloc, c'est de l'électro un peu plus trash, là. C'est sûr que ça bûche un peu plus. Et c'est dans le même genre de ce qu'on a entendu tout juste avant, une formation qui date d'un peu plus longtemps, Duchesse 16, qui est une formation électro-rock trash de Montréal. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Black Flag, d'un mini-album qui s'appelle Budgie Laboratories. C'est dur à dire. Et c'est un mini-album qui est paru en 2006. Sinon, on va continuer en musique, toujours dans le positivisme et l'entraînement, puisque c'est une émission spéciale fin de session et mon but ce soir, c'est de vous détendre, faire sortir le méchant, vous encourager à terminer cette session avant le congé des fêtes. Et sinon, je vous invite également à consulter le blog de l'émission, soit le sophieaimelamusique.blogspot.com, où vous trouverez la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou lors d'émissions antérieures, et vous pourrez écouter ou réécouter les émissions de votre choix de Chérie M'écoutes-tu, tout ça à cette adresse. Et on se tourne donc du côté de la musique avec Bjork. Et vous êtes à l'émission Chérie M'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. position. I need a fix. I need to fix my ignition. If you wanna whip into shape, I need a permanent mission. C'était la pièce Fa Fa Fa, et oui, Fa Fa Fa, de la formation Data Rock, de leur premier album Data Rock, paru en 2005. Et il s'agit d'un duo norvégien d'électro dance punk créé en 2000. Et je vous rappelle que cette pièce a joué dans le cadre de l'émission spéciale fin de session que je vous propose actuellement afin de vous motiver à poursuivre les derniers milles de la session, donc une dernière semaine avant de goûter enfin aux vacances des fêtes. Et avant, on avait la musicienne, compositrice, chanteuse, actrice islandaise Björk avec la pièce « I Miss You » de son troisième album « Post » qui est paru en 1995. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup, que je juge inégalée encore aujourd'hui et complètement... comment je pourrais dire? Elle est à la fois mystérieuse et impressionnante. Moi, elle m'impressionne beaucoup. C'est une femme qui m'impressionne énormément. Et donc, elle touche aussi pratiquement à tous les styles musicaux, ce qui la rend aussi unique. Et sinon, c'est ce qui va conclure cette émission spéciale fin de session. Et j'espère avoir réussi à vous remonter le moral avec ces pièces énergiques que j'ai choisies avec soin. Et sinon, je vous invite à rester à l'écoute pour l'émission Le Voyage insolite, animée par Frédéric Durand, qui va suivre dans quelques instants. Et pour s'y rendre, je vais vous laisser avec la pièce « C'est comme ça » de la formation Les Rita Mitsuko. Et c'est une dernière pièce que je juge positive et dynamique. Et c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de journée sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et je vous invite également à être à l'écoute de l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » lundi prochain, le 21 décembre, dès 18h, pour le spécial Noël de Chérie, m'écoutes-tu. Soyez-y!